yeux qui foncent, un petit punch, des yeux qui pleurent, ta risque, un regard de fouine de la bibine, un regard de fouine de la bibine. Tu dirais bien que je les aime bien, mais quelque chose me retient. Sur ce coup-là, rien ne me vient. Alors je préfère. Pour un nez fin, du rhum brun. Pour un nez court, à bord lourd. Un nez en trompette, la pompette. Un nez frimousse, jean pamplemousse. Quelque chose me retient. Je lui dirais bien que ça me va bien, mais je ne sais pas où mettre mes mains. Alors je préfère. Pour des seins gays, un petit saké. Pour des seins lourds, à belou. Balconnet du Grand Marnier, des seins en forme, un petit rhum. Pour des faux seins, un verre de rien. Mais des faux seins, un verre de rien. Je lui dirais bien que je les aime bien, mais quelque chose me retient. Je lui dirais bien que je les aime bien, mais sur ce coup-là, Alors je préfère. Des hanches sous un pagne de champagne, des hanches en jean, du jean, en mini jean, un chin chin, une taille fine, une mandarine, sous un damas, Ricard. Tu dirais bien que ça lui va bien, mais quelque chose me retient. Tu dirais bien que ça me va bien, mais je ne sais pas où mettre mes mains. Alors je préfère. Des fesses en poire. Juste une pintée, fait ce jour plus un Malibu. Et des fesses plates, de l'eau plate. Et des fesses plates, de l'eau plate.